J'ai besoin de changement. Yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse pas d'aller franchement. J'attends mais rien ne se passe. J'ai besoin de changement. Yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse. J'ai besoin de nouveaux horizons. Afin que ma routine se casse. Dites-moi qui n'a jamais rêvé de changer de vie ou changer de peau. On aimerait tous pouvoir y arriver, mais on ne fait pas vraiment ce qu'il faut. Tu as peur de prendre des risques et donc de devoir faire le grand saut. Mais il faut que tu réagisses très vite avant que toute ta vie prenne le loup. Une seule vie, donc une seule chance. Puis ce que ton cœur pense, ne mets pas de côté ce dont tu rêvais durant ton enfance. Vis tes rêves, ne rêve pas ta vie. Il faut que tu vives au gré de tes envies. Ah oui! J'ai besoin de changement. Yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse pas d'aller franchement. J'attends mais rien ne se passe. J'ai besoin de changement. Yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse. J'ai besoin de nouveaux horizons. Afin que ma routine se casse. J'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement. Maintenant j'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement. Maintenant j'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement maintenant, j'ai besoin de changement. J'ai besoin de changement maintenant. De changement, yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse pas d'aller franchement. J'attends mais rien ne se passe. J'ai besoin de changement, yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse. J'ai besoin de nouveaux horizons. Afin que ma routine se casse. Rien ne se passe dans ma vie. À part les factures et les ennuis. Rien ne se passe dans ma vie. À part ce que je t'ai dit. Rien ne se passe dans ma vie. À part les factures et les ennuis. Rien ne se passe dans à part ce que je t'ai dit. Rien ne se passe dans ma vie. À part les factures et les ennuis. Rien ne se passe dans ma vie. À part ce que je t'ai dit. Rien ne se passe dans ma vie. À part les factures et les ennuis. Rien ne se passe dans ma vie. À part ce que je t'ai dit. J'ai besoin de changement. Yeah, yeah. Parce que ma vie me laisse pas d'aller franchement. J'attends mais rien ne se passe. J'ai besoin de changement.